On continue tranquillou dans l'aspect française avec tout d'abord Vreeze, ce groupe de moderne thrash death qui tend même vers le deathcore. Une formation en duo qui s'est accompagnée, qui s'est fait accompagner par deux mercenaires, tout d'abord Kevin Paradis à la batterie et un ancien membre, si, alors j'ai le doute à chaque fois, de Obscura, pardon, à la basse. Vreeze, tout premier EP sorti chez Xenocorp, un EP éponyme. Et ensuite, nous aurons la formation du nord de la France, Sorcières, groupe de Black Folk. Ils sortent leur premier album studio intitulé Empoisonné. On s'écoutera The Reborn, le titre pour Vreeze, À feu et à sang, le titre de Sorcières pour aujourd'hui. C'est parti! Peu de groupes pour l'aspect français aujourd'hui, mais des morceaux assez longs. Donc voilà, on va s'écouter déjà la dernière doublette. Dernière doublette avec tout d'abord une nouveauté, Tentation. Ma foi, très bon groupe de heavy français. Tentation, on peut inscrire ça dans la lignée d'un Herzl, même si c'est un peu moins épique et serait un tout petit peu moins percutant. Le groupe nous vient d'Occitanie, il était formé en 2012. Un premier EP, un split, et là le vrai premier album. Tous les titres semblent être chantés en français. On est sur un heavy vachement solide et vraiment très très chouette à s'écouter. Voilà donc pour la nouveauté de l'aspect française, Tentation. Le berceau des dieux, c'est le nom de ce tout premier album studio. Et dans la foulée, on s'écoutera le groupe de hardcore venu de Rennes, Entertain the Terror. Ils sortent leur nouvel EP Love Your Hangman. Cette EP est déjà disponible. On s'écoutera le titre Pawn et juste avant ça, le couvent signé Tentation. Yeah. retour à la diff internationale avec, eh bien ma foi, le très très bon nouvel album studio de Spasm, Mystery of Obsession, une sortie toujours sur le label venu de République Tchèque, Rotten Roll Rex. On s'écoutera une doublette, et avec Spasm, on va s'écouter Erdv, groupe qui nous vient de Lituanie. On est sur du Blacknet Hardcore Sludge, second album studio sorti chez Season of Mist. Erdv, c'est ultra riche, ultra chaotique. Et très plaisant à écouter. On s'écoutera le titre Sugretinimas. Et juste avant, Erdv, donc la doublette pour Spasm, Perversion is Your Freedom, Body Conjuring. Et c'est parti. La doublette suivante nous fait voyager géographiquement et en termes de style, ce que nous aurons tout d'abord Dee Snider pour la partie Heavy Rica, le frontman de Twisted Sister qui sort son nouvel effort studio Leave a Scar, une sortie déjà dispo chez Napalm Records, et dans la foulée le Viking Black venu de Suède, Tyrfing, avec le nouvel album Vanagandr. L'album est déjà disponible, on s'écoutera le très classique, très efficace Reckoning pour Dee Snider, et ensuite Tyrfing avec le titre Yarnant. Et on s'écoute ça tout de suite. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, on est toujours sur les ondes de Radio Béton, même si là on est sur une émission en différé, qui, pour rappel, vous pourrez retrouver cette émission à partir de demain via notre petit blog hein, sur Blogspot. Le lien sera dispo sur Facebook en fin de journée. On approche de la fin de l'émission avec l'avant-dernière doublette. Enigmatum tout d'abord, une dernière sortie pour, enfin la dernière sortie en date, pardon, pour un label qu'on a découvert il y a à peu près un an et bah, qu'on aime beaucoup depuis, 20 Buckspin Record. Enigmatum, on est sur un groupe ricain qui tape dans un registre old school, Black Net Death, bien inspiré par la scène Black Death Mellow 90 venue de Suède. Tout particulièrement, bien sûr, un certain Dissection. Voilà, Enigmatum, l'album s'appelle Deconsecrate. Et dans la foulée, Space Chaser, troisième album pour le groupe de thrash allemand, très inspiré d'un Gamma Bomb ou Agent Steel. Ça thrash, c'est vraiment super cool. Et voilà, Space Chaser, c'était ma foi une très bonne découverte, une sortie Metal Blade. Et Give Us Life, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Disenthralled, le titre Enigmatum, Signals, signé Space Chaser. Et voilà, c'est l'heure de clôturer l'émission avec la toute dernière doublette. Tout d'abord, Mainvera, groupe black metal qui nous vient d'Islande. On est sur un album de 35 minutes qui compte 5 titres, du pur black metal islandais. Ils se sont très rapidement créé leurs propres pattes. C'est dissonant, c'est malsain, c'est intense. Il y a un petit relent old school par-dessus tout ça, une sortie Dark Descent Records. Vitaringer, c'est le nom de ce nouvel effort de Manvera. Et ensuite, on s'écouterait une doublette dans la doublette, avec deux morceaux du nouvel album de Rot, la formation old school de grindcore brésilien. Ils sortent leur nouvel effort studio organique, Gverkatak et Elifra Mantrawa pour Manvera. Et dans la foulée, la doublette Dead Dreams Under Black Clouds, signée Rot. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. C'est la fin de l'émission. Ciao, ciao.